C'est le moment de suivre le journal de la mi-journée de ce lundi. Voici d'abord le titre. Un kit composé de matériels médicaux d'une valeur estimative de 900 000 $ américains, à savoir les aspirateurs et les ventilateurs, sont quelques appareils octroyés à quelques hôpitaux publics, à savoir l'hôpital de Motana, de Bouye et de Bilimba. Ils ont été offerts par l'église Pitei Church. C'est dans le but de faciliter la tâche aux personnes qui allaient se faire soigner à l'étranger. Les conducteurs de véhicules de transport en commun, mairie de Bujumbura, saluent la mesure du gouvernement suspendant les postes de contrôle routier à la mairie de Bujumbura. Ces chauffeurs soulignent qu'ils travaillent à perte suite à ces postes de contrôle routier qui étaient presque partout. Et comme tous les lundis, vous aurez droit à la chronique sport. Ce sera sur le manque de terrain, de goalballs, sport pratiqué plutôt par les aveugles et les malvoyants et les experts de ce sport. Les détails, c'est dans quelques minutes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page Société pour débuter cette édition. Recrudescence du concubinage en commune Nyamulenza de la province Ngozi en ce moment où la population profite de l'argent issu de la récolte du riz lors d'une réunion avec la population de cette commune. Le gouverneur de la province Ngozi regrette les conséquences qui en découlent, dont la dislocation des foyers. Pour ce, Emmanuel Nachonsanze demande la cessation d'un tel comportement. Apollinaire Mozagara. Ces grognes s'observent davantage chez les femmes, mais des hommes sont aussi victimes de ce concubinage, comme évoqué dans une réunion du gouverneur avec la population de cette commune. Les femmes mentent qu'elles vont chez elles voir leur parenté, alors qu'elles vont passer quelques jours chez d'autres maris pour cause de l'argent issu de la récolte du riz des marais de Kanyaru, Muyongwe et ailleurs. Les femmes déplorent le fait que leur mari achemine toute la récolte au marché et amène tout l'argent aux concubines, d'où la famine dans le foyer principal. Le gouverneur de la province Ngozi, lors d'une descente effectuée dans cette commune, conseille à la population d'abandonner cette pratique qui, selon lui, cause pas mal de difficultés dans le ménage. Emmanuel Nachonsanze rappelle que le concubinage est interdit et qu'il est par conséquent sanctionné par la loi. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Page Santé à présent, un kit composé de matériels médicaux d'une valeur estimative de 900 000 $ américains, comme les aspirateurs utilisés pour les malades qui ont un problème cardiaque, les problèmes de respiration et les ventilateurs destinés à aider les patients qui ont un problème cardiaque sont quelques appareils offerts par l'église Pitei Church. Ce lundi, aux représentants des églises, des hôpitaux du gouvernement, Jean de Dieu Bidiman, représentant légal de cette église, indique que cela va faciliter la tâche aux personnes qui n'avaient pas les moyens de se faire soigner à l'étranger. Quelques hôpitaux qui ont bénéficié ces dons sont l'hôpital de Matana, l'hôpital de Bouye et ainsi que l'hôpital de Bilimba de la province Rumonge. Radio Isanganiro, chronique sport. Le manque de terrain de goalball sport pratiqué par les aveugles et les malvoyants et les experts de ce sport sont certains défis qui freinent le développement de ce sport au Burundi. Malgré cela, le directeur technique agent au sein du Comité national paralympique se réjouit de la mise en place d'un cours de handisport dans la faculté de l'EPS de l'Université du Burundi. Et pour promouvoir le goalball au Burundi, Kassia Bizabigomba demande au ministère et au sport dans ses attributions d'augmenter les moyens d'organiser les compétitions de ce sport. Détail avec Marie-Claire Cazeneda. Le manque des moyens suffisants pour organiser les compétitions est le défi majeur qui bloque le développement du sport de goalball au Burundi. Cela est dit par Cassien Vizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national para-olympique. Les défis, généralement, comme dans toute autre organisation sportive, comme fédération, volley, basket et football, nous aussi nous avons un défi qui prime à hauteur, c'est le problème financier. Sans finances, sans d'argent, nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses parce qu'il y a tant de choses qui nécessitent de l'argent. À cela s'ajoute l'insuffisance des techniciens qualifiés dans le domaine de goalball. Et après ce défi de manque d'argent, je peux aussi dire que nous avons peu de techniciens parce que même à l'université du Burundi, à l'IEPS, il n'y a pas de cours qui concernent le handisport. Pour dire qu'on fait tous les autres sports, mais aujourd'hui, il n'y avait pas le sport, le handisport. Mais malgré cela, ce directeur adjoint au sein du Comité national paralympique salue l'initiative de la direction technique du Comité national paralympique d'introduire le cours de handisport à l'Université du Burundi. Je veux admirer notre directeur technique national qui a beaucoup plaidé pour les personnes handicapées et qui a instauré un cours de handisport à l'Université du Burundi, à l'IEPS. Maintenant, on a fait ce cours, on a inséré le cours de handisport à l'IEPS. Nous croyons que demain ou après-demain, nous aurons des techniciens sportifs qui auront quand même une capacité qui incombe aussi le handisport. Dans le cadre de promouvoir ce sport au Burundi, Cassien Vizavi Gomba demande au ministère ayant le sport dans ses attributions de multiplier les infrastructures sportives et d'augmenter les soutiens destinés aux disciplines de handisport. Actualité internationale, le président ivoirien dit vouloir reprendre des relations normales avec le Mali après le dénouement de la crise des 49 militaires graciés par le président malien de transition vendredi soir et rentré à Abidjan dans la soirée du lendemain 6 mois de vives tensions diplomatiques entre les deux pays voisins que le Togo a très largement contribué à apaiser et à résoudre. Et des milliers de partisans de l'ancien président de Bolsonaro ont envahi dimanche le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Une semaine après l'investiture du président, les forces de sécurité ont semblé dépassées, comme nous le lisons sur le site internet de RFI. Pourtant, les signes annonciateurs étaient nombreux. Ce qui a surpris, c'est la facilité avec laquelle les manifestants ont approché les bâtiments officiels, alors qu'il y avait des tensions que beaucoup de partisans de Jair Bolsonaro contestaient la victoire de l'actuel président. Les manifestants ont franchi un barrage de police, apparemment sans grande résistance, et ils ont tout saccagé dans leur siège à la présidence, au Congrès et à la Cour suprême. Sur ce, la Chine s'oppose fermement à l'attaque violente contre les lieux de pouvoir de la capitale brésilienne, a déclaré lundi 9 janvier un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, comme nous le lisons toujours sur le site internet de RFI. Et les conducteurs de véhicules de transport en commun, mairie de Bujumbura, saluent plutôt la mesure du gouvernement suspendant les postes de contrôle routier à l'intérieur de la mairie de Bujumbura. Ces chauffeurs soulignent qu'ils travaillent à perte suite à ces postes de contrôle routier qui étaient presque partout et se réjouissent que maintenant ils gagnent le temps et le versement. Suivez-le dans ces vox pop de la radio Isanganiro. Accueilli favorablement la mesure de réduire le nombre de postes de contrôle policiers. À chaque point de la route, nous étions contrôlés et cela constituait une perte d'eau. Et il y avait beaucoup de plaintes des clients. Nous ne sommes pas contre les contrôles policiers, mais ils étaient faits dans le désordre. Un clin d'œil aux transporteurs et propriétaires de véhicules de ne pas négliger à chercher les documents en raison de cette nouvelle mesure. Nous saluons la mesure parce que les contrôles policiers se faisaient ici et là. Mais maintenant, nous allons pouvoir travailler de façon plus rentable parce que les courses vont être plus rapides. Pour une course vers Maranvia, à l'avenue de l'Amitié, on pouvait être arrêté par la police, subir un autre contrôle vers le quartier asiatique, au quartier industriel, à Saint-Kizito, encore un autre contrôle, et enfin vers l'aéroport Melchior Ndadaye, près de l'endroit où on va détruire. Maintenant, les postes de contrôle ont été réduits jusqu'à un. Avant, il y avait un pléthore de contrôles et parfois, on nous imposait des pénalités injustement. Partout, on trouvait des barrières policières improvisées. On pouvait être en ordre sur une barrière, mais arriver à une autre, trouver que le feu clignotant a grillé et payer des amendes. On trouvait beaucoup de policiers ici au centre-ville, ce qui causait des embouteillages. Je ne sais pas comment le chef de l'État a pu être au courant de cette situation. Excusez-nous pour ces imperfections et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi et dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue régionale. Bonjour et bienvenue à cette revue régionale. Des affrontements ont été de nouveau signalés dimanche 8 janvier entre une frange réfractaire de la milice coopérative pour le développement du Congo, CODECO en sigle, et ceux du groupe Zaïre dans les entités de Drodro, Largou, Blukwa et Roé dans le territoire de Jougou, en Ituri. Selon des sources détenues par Radio Okapi, au moins 5 personnes ont été tuées, plusieurs maisons incendiées et d'autres pillées, dont l'hôpital général de référence de Drodro. Le bilan pourrait s'alourdir car, selon ce média, plusieurs personnes, parmi lesquelles les déplacés du site de Roé, ont quitté les lieux. Le ministre tanzanien de l'Information, des Communications et des Technologies de l'Information, Nape Noé, a déclaré fin décembre que le gouvernement prévoyait d'annoncer de nouveaux prix pour les forfaits téléphoniques. À lire le journal Mwananchi, c'est pour que chaque Tanzanien puisse se permettre de les utiliser. Il a fait cette déclaration lors de l'inauguration d'une tour construite par le Fonds de communication pour tous en collaboration avec la société Vodacom au village Kinenulo dans la région de Njombe. Ce ministre a déclaré que le gouvernement terminait un examen pour voir comment aider à réduire les coûts afin que les citoyens ordinaires puissent obtenir des services sans problème. Le Kenya, quant à lui, a commencé à appliquer des restrictions à l'importation de véhicules alors que son autorité fiscale commence à écraser des dizaines de véhicules non réclamés au port et ceux qui n'ont pas respecté la limite d'importation de 8 ans. Selon le journal The East African, Nairobi a interdit l'importation de camions jusqu'à 30 tonnes de plus de 3 ans, apparemment pour se conformer à la stratégie mondiale sur le soufre de la Transport Climate and Clean Air Coalition qui vise à réduire les émissions d'ici 2030. À partir de ce mois-ci, seules les têtes de tracteurs et les moteurs principaux de moins de 3 ans à compter de l'année de la première immatriculation, seront autorisés à entrer dans le pays, mais seulement jusqu'au 30 juin 2023, après quoi aucune tête de tracteur et moteur principal d'occasion ne sera importée. Et en Tanzanie, le cri des politiciens a enfin trouvé une solution après que le gouvernement ait autorisé le début de réunions publiques qui respecteront les lois du pays. Le journal Mtanzania revient sur les propos de la présidente Samia Suluhu Hassan mardi 3 janvier de l'année en cours, s'adressant aux dirigeants de 19 partis politiques. Elle a déclaré qu'elle était satisfaite de la présence des dirigeants des partis politiques de la Tanzanie continentale et des îles, car c'est ce qu'elle souhaitait depuis le début. Point final à cette revue régionale. À la présentation, vous étiez avec Léon Sebitalio.